What would you do if you had $1 million? I tell you what I'd do, man. Si j'avais un million de pièces. Two chicks at the same time, man. Si j'avais un million de pièces. Drette là, je me pacterais la face de la glace pour le scotch, puis la taxe, je suis en face. C'est le temps de me faire un ass avec une fille bitch à cash et le poil du siècle. Tout le monde tout nu dans place. Si j'avais un million de pièces, j'aurais chant d'année. Ouais, ok, je vais te frais chier, mais juste pour m'impressionner. Je bois un gars de champ, mais en autant que ça l'aide du jus. Dans le fond, n'importe quoi serait meilleur que mon genre de cul. Si j'avais un million de pièces, j'aurais studio dans un appart avec une place à moi tout seul pour mettre le son max avec l'ordi le plus malade, avec le mic le plus fat. Non, mais pour vrai, vraiment le mic le plus fat. Si j'avais un million de pièces, lâcherais ma job juste pour un bout, faire des tracks à temps plein, puis la nuit de rester debout, à recharger la batterie qui fait que je te crise de machine, et être prête pis top shape pour oublier la routine. Si j'avais un million de pièces, je partirais au show. Je vois mes pieds dans le sable à côté des arbres tropicaux. Cervez un Bermuda, Cucaracha, Pinata. Comment est-ce que c'est Dorita, Fiesta, Pina Colada. Si j'avais un million de pièces, j'aurais deux, trois chicks en même temps. L'amour ça s'achète, fait que pour moi c'est pas fatigant. Je filmerais mes débats, puis je mettrais ça sur net. Bruno B, fuck, c'est ton idée, c'est mon idée de la mettre. Si j'avais un million de pièces, je partirais mon bord. Le nom c'est Free for All Over aussi le soir. Pas de dress code, deux pour un pour les femmes. Le style bombi, puis la chicks pour les polygames. Faut pas oublier une chose, ça reste juste des si, des rêves, des opportunités. Mais autant y rêver. Yeah!